to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, ce Is Back the Mind, the Man Behind the Mask par le Vincent Furnier d'Alice Cooper, avec cette BO qui figurait sur le film Vendredi 13 au milieu des années 80 et ensuite sortie sur l'album Constrictor, qui était un petit peu l'album de retour des années 80, même si encore une fois Alice Cooper à cette époque se cherchait et il s'est vraiment trouvé ensuite sur l'album Poison, qui a été un énorme succès commercial à l'époque. Voilà, restez bien sur le 895 de Radio Dio. On devrait avoir de l'excellente musique ce soir, des nouveautés dans du hard rock, metal, tout style, des plus classiques et mélodiques aux plus extrêmes et expérimentaux. Et on va continuer avec quelque chose de très 70s. Birthday par Blue Spills. La chanteuse a tout simplement donné naissance à un petit rejeton suédois et elle le célèbre ici sur cet album Birthday, tout de suite pour les amateurs de hard rock 70s du meilleur cru. trying to ruin someone's birthday. There's people talking in a new way. In the streets, hoodies are screeching on the ground. I don't care what you say, I'm gonna do it my Yes, vous venez d'entendre Blue Spiel's Birthday avec ce morceau très enjoué et rock'n'roll qui fait du bien par où il passe. On continue avec les vétérans allemands de Victory. Victory, le groupe de Hermann Frank qu'on avait vu bien entendu au sein de Accept, qui nous fait du heavy metal pur et dur depuis maintenant une quarantaine d'années. Ça sort sur AFM Records avec leur dernier album Circle of Life qui voit le jour aujourd'hui même. Ce sera le morceau American Girl qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Et maintenant, après l'Allemagne, il est temps de retrouver les terres normandes avec cet album Sway par le groupe Head Charger qui voit le jour sur At Home Records. On passe d'influences rock éclectiques, pourrait-on dire, qui vont d'influences très énergiques pour aller vers des propos assez coup de poing comme ça. Wake Me Up, qu'on va écouter tout de suite. Wake Up and Run, qu'on va écouter tout de suite par le groupe Head Charger, extrait de cet album Sway qui voit le jour aujourd'hui même. Yes, vous venez d'entendre ce Head Charger pour leur dernier album qui vient de sortir sur At Home Records. On continue maintenant dans Overdrive Radio Duo avec une sortie de chez MNO Music. Ça voit le jour encore une fois aujourd'hui. Donc on a beaucoup de très bonnes nouveautés dans Overdrive. C'est la rentrée de septembre. On a fait le plan tout l'été et il s'agit de ce groupe Visions qui sort cet album 5 titres Master of Laws sur le label MNO Music et il nous joue du power metal. On s'envoie ça tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Voilà pour Visions, avec donc Visions qui s'écrit V-Y-S-I-O-N, Masters of Law, qui voit le jour sur M&O Music. On passe à maintenant à du métal un peu plus, on va dire, de tendance heavy metal traditionnel, avec Blitzkrieg qui nous sort cet album éponyme sur Mighty Music, voilà, qui ravira les fans de heavy pur et dur, toujours sur Overdrive Radio Duo. Vous venez d'entendre Blitzkrieg, et maintenant on va passer à une autre petite douceur de heavy thrash metal avec les vieux de la vieille de Flotsam and Jetsam qui nous sortent aujourd'hui même I Am The Weapon sur IFM Records, et ça ne rigole absolument pas du tout. Pour un groupe qui, pendant de nombreuses années, s'était un petit peu cherché, avait sorti peut-être des albums qui n'étaient pas toujours à la hauteur, ils se sont retrouvés depuis maintenant quelques années et nous offrent des disques de très bonne qualité. Comme on s'en voit tout de suite, le morceau qui ouvre le disque, ce sera A New Kind of Hero. Vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive Radio Duo. Yes, vraiment excellent que ce Flotsam and Jetsam, a new kind of hero. Maintenant, tout de suite dans Overdrive. Radio Duo, on vous l'a dit, on les a interviewés du côté du Plein Air Fest cet été, le groupe Kokomo, le duo Kokomo. Et on va s'envoyer ça tout de suite avant de tout simplement écouter l'interview et de s'envoyer ce morceau Need Some Mo maintenant dans Overdrive. Je vous laisse en compagnie de cet excellent duo de rock français. Salut, donc sur la scène du plein air, vous aurez la chance de retrouver Warren à la guitare et au chant, et Kevin, pour à la batterie, pour le duo Kokomo. Donc salut, on vous avait déjà vu sur de nombreux festivals français et étrangers. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour un public majoritairement métal, vous qui êtes plus habitué à une audience plus axée rock, entre guillemets, généraliste? Ouais, bah, c'est ce qu'on s'est dit dans le bus en venant. C'est la première fois qu'on fait un festival vraiment de métal. On a quand même joué dans des festoches où il y avait quelques groupes de métal, mais c'était pas foncièrement métal. Après, ce qui est bien, c'est qu'on joue tôt aussi, et puis que les métalleux n'écoutent pas que du métal non plus, faut le dire. Bien entendu. Tu vois. Donc non, c'est une expérience, mais c'est un festival comme un autre sans préjugés, mais c'est on est content. Une nouvelle expérience. Exactement. Et je pense que pour avoir regardé un petit peu ce que vous avez fait ces 10 dernières années, vous n'êtes pas frileux face à une expérience nouvelle. Tout à fait. Non, c'est clair, on a tellement joué dans des conditions tout terrain, on va dire, que non, on est prêt à tous les paris. Bah ouais, et puis on a beaucoup voyagé avec Warren, on s'est retrouvé à deux, que ce soit en Asie ou n'importe où, avec des groupes de métal aussi, et d'autres groupes, et de faire découvrir sa musique, c'est chouette aussi. Et justement, alors moi, ce qui me semble que vous pouvez apporter en plus par rapport à de nombreuses formations qui sont sur l'affiche du Plein Air Fest Festival aujourd'hui, ce sera une certaine forme d'improvisation, quelque chose qui est assez inhérent à votre ADN musical et qui, à mon sens, peut être présent dans certains groupes de métal, mais en tout cas beaucoup moins et beaucoup pas de manière aussi intrinsèque. Bah, c'est vrai que Warren et moi, c'est ce qui nous anime aussi depuis le début, depuis 10 ans, comme tu dis. On n'est que deux sur scène en plus, donc l'improvisation, ça reste vraiment notre force de frappe aussi pour nous, pour que le public ait un concert complètement différent, même s'ils nous suivent 3 concerts de suite, ils sont différents pour eux et puis pour nous aussi. Quoi. On adore l'impro, on a toujours des rendez-vous dans les setlists et dans les morceaux, mais il y a beaucoup d'impro. Ouais. Et justement, est-ce que ce côté improvisation, est-ce que ça provient de vos influences un peu 70s, 60s, 70s? Il y a un truc comme ça, mais je pense que déjà, ça vient tout bêtement du fait qu'au début, on jouait essentiellement dans les cafcons, dans les bars et tout, et qu'on n'avait pas forcément 2 heures de set et qu'il fallait meubler. Et bah, l'avantage, la force du duo, c'est qu'on n'est pas obligé de répéter, on peut improviser. Vraiment, on a juste à se regarder et puis on y va, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on peut y aller beaucoup plus facilement qu'une formation à 3 ou à 4. Et puis forcément, ça vient s'ajouter avec ce que tu disais, ouais, les influences un petit peu plus heavy metal du début, ou s'il y a un peu plus de feeling, c'est moins calibré, on va dire. Mm. Ça laisse plus de place à la liberté, un petit peu. Alors, on peut penser à des Deep Purple, etc. Bon, bien sûr qu'ils n'étaient pas des duos, mais bien entendu, pour qui l'improvisation faisait partie inhérente de leur musique. Oui. Justement, je veux revenir sur ce que tu disais, Kevin. Stéphane. Ces 10 dernières années, les duos rock, pour moi, se sont démocratisés. On peut voir Bad Situation, qui, même si c'est différent de ce que vous faites, joue sur pas mal de festivals ces derniers temps. Comment est-ce que vous expliquez que ce côté duo puisse marcher et avoir un peu le vent en poupe? Bah, déjà, en commençant tous les deux, on s'est rencontrés comme ça. On a commencé à deux pour parler technique avec une guitare avec un octaveur qui permet d'avoir une guitare avec un son de basse. Donc on n'était pas en manque de basse, on était en trio, en pouvoir trio, mais à deux. Et on s'est jamais dit qu'on allait rester à deux toute notre vie. Et en fait, naturellement, on a pris goût à ça. Et puis naturellement, on n'a pas besoin pour le moment, on suffit à nous-mêmes, entre guillemets, sans prétention. Mais et puis musicalement, enfin, ce que disait tout à l'heure Varet, c'est que ça enlèverait beaucoup, beaucoup d'improvisation. Et je pense que liberté, c'est, s'il y a de plus en plus de duos qui goûtent à cette contrainte, je pense que cette contrainte, elle est vraiment chouette parce qu'elle te pousse, elle te tient en haleine sur tout le concert et elle te pousse à te donner un peu plus, à meubler, à occuper plus la scène. Quoi. Et puis justement, il n'y a personne derrière ce qui se cachait lorsqu'on est dans cette formation-là. C'est ça. Ouais. C'est triste. C'est ça. On ne peut pas se cacher derrière le son, derrière une grosse saturation. On ne peut pas se reposer derrière une batterie en tant que batteur. Et toujours dans cette même idée, est-ce que vous pensez que cette formation, qui est plus minimaliste, permet une relation plus intimiste avec le public ? Peut-être. C'est une bonne question, on n'a jamais trop fait gaffe à ça, mais... Je sais que vous avez déjà joué au milieu du public, chez nous, ouais. Au fil de Saint-Etienne. C'est vrai. Bah, c'est un rendez-vous qu'on aime bien, qu'on a fait pour toute la tournée de l'automne dernier. Où tout le monde se mange un peu de gros son dans la figure pendant une heure et demie, puis le côté un peu communion avec le public et un peu acoustique, ouais, c'est un truc qu'on aime bien. Et ça, bien entendu, si on est 6 ou 7 sur scène, c'est beaucoup plus difficile. C'est différent, ouais. En ce qui nous concerne, de l'intérieur, c'est une aventure humaine, c'est comme un couple, donc peut-être que ça transparaît pour les gens. En tout cas, c'est sûr que bah, quand on pense aux Black Keys, par exemple, on aime autant Dan que Patrick, je pense. Et pour les White Stripes, alors fratrie aussi, je pense que c'est quelque chose qui touche. En tout cas, c'est la formule la plus durable. Et maintenant, une dernière question pour aujourd'hui. Vous n'avez pas peur des reprises ? Est-ce un challenge de reprendre des morceaux iconiques orchestrés de manière ambitieuse lorsqu'on n'est que deux et qu'on n'a pas forcément envie de passer par des bandes enregistrées et ce genre de choses ? Je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous pratiquez. Oh bah on a une séquence quand même pour certains morceaux pour que Warren soit un peu plus libre sur le manche. Puis comme on est que deux, pour un peu fatosser aussi le. Il n'y a pas de tricherie si tu veux, parce que c'est. On varie plaisir quoi. C'est ça, ouais. Ça permet d'être plus libre et plus. Mais on n'est pas forcément reprise nous de base. Tu vois, les covers et tout, c'est pas forcément notre truc. Vous en avez quand même fait on pas en mal. On en a fait quelques-unes, c'est notamment avec pour la radio. Les Royal Republic avec qui vous repreniez. Ah oui, ça c'est eux qui. C'était eux qui vous l'avaient proposé. Ouais. Voilà, c'est ça. Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. C'était chouette parce que du coup, on se retrouvait tous ensemble comme on avait fait toute la tournée avec eux. Tous les soirs, on jouait le morceau avec eux. Donc, c'était un rendez-vous, quoi. Créer un truc vraiment sympa entre nous. Donc, j'imagine qu'avec les dates qui se sont enchaînées, vous avez pu avoir une certaine, on va dire, promiscuité et développer une certaine symbiose avec eux, quoi. Bah, déjà, on est monté dans le tourbus direct. Dans le même tourbus, donc ouais, tu peux pas être plus proche. C'est ça. Ok, et ben en tout cas, Kokomo, ce sera sur la scène du Plein Air Fest. Un rendez-vous nouveau pour vous et puis également pour le festival qui n'a pas vraiment l'habitude d'accueillir des formations plus intimistes, plus minimalistes, mais qui restent avant tout foncièrement rock, puisque on est ici face à pas de la musique de chambre. Hein. On a vraiment un gros son et une grosse énergie. Donc le Plein Air Fest est un festival qui accueille différentes formations, des plus extrêmes aux plus mélodiques, et je me fais un plaisir de vous voir pour la première fois ce soir du côté de mon cul. C'est ça. Comment vous venez d'entendre ce groupe Stubborn Trees pour un côté mastodon stoner ici qui fait vraiment des merveilles sur ce morceau The Rain par encore une fois Stubborn Trees. On va passer à une production beaucoup plus lo-fi maintenant sur Overdrive Radio Dio avec ce groupe Poison Ruin et ce morceau Confrère pour ce disque sorti sur Relapse Records. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Poison Run, donc avec bien entendu des influences punk ici sur cet album Camfrère, sorti sur le label Relapse Records. On va passer tout de suite au chantre du death metal suédois Dark Tranquility qui nous reviennent. Michael Stanne enchaîne avec un véritable rythme de staccanoviste puisqu'il enchaîne les tournées, que ce soit avec Halo Effect ou Dark Tranquility ou bien son projet Symmetry Skyline. On devrait avoir ici une belle série de concerts. Voilà, on continue avec cet album de Dark Tranquility qui s'appelle End Time Signals Unforgivable, tout de suite pour un morceau qui n'oublie pas les racines death du death metal mélodique. Senselessness, the mortals have a run. We saw what's left behind, the wasted years of scorn. No choice to save us now, the lingering will fall. The mortals have a run. We must be gone by the coming of the dawn. There will be no one left to tell us. Yeah! Yes, Def Decline, tout de suite extrait de leur dernier album. Ça voit le jour aujourd'hui même. Encore une fois, Def Decline avec The Pattern of an Imminent Collapse et le morceau And Daggers pour les amateurs de trash death metal avec une petite touche hardcore. Également Ancients maintenant pour les amateurs de progressif, de groupes comme Opeth ou alors Mastodon pour certaines voix claires. Également, ils devraient trouver leur compte sur cet album de ce groupe qui voit le jour sur Season of Mist, il me semble. Donc encore une fois, on est sur des terres un petit peu progressives. Ça s'appelle Beyond the Reach of the Sun et on s'envoie tout de suite le morceau Despoiled, tout de suite, qui ne sera pas parmi les plus longs de l'album, même s'il dépasse tout juste les 5 minutes. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre encore une fois Ancient avec ce morceau Despoilt. Et on va quasiment terminer Overdrive maintenant avec une touche encore une fois progressive par le groupe King Crow, tout de suite encore une fois sorti sur Season of Mist. Ce sera le morceau Glitch. Tout de suite, le petit problème avec ce disque, c'est qu'il sort en même temps qu'une grosse sortie de progressif actuel. Il s'agira du dernier album du groupe Lepros, qui trust tout ces derniers temps. Néanmoins, les deux sont intéressants et à mon sens, il y a de la place pour tout le monde au sein de la grande famille de la musique. King Crow, tout de suite, avec encore une fois cet album sorti sur Season of Mist, et ce sera extrait de cet album. Donc sorti sur Season of Mist, Opium avec un H au début. Voilà, on va donc lancer la musique et tout doucement se dire au revoir puisqu'il s'agira là du dernier morceau pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio. On peut rappeler le www.facebook.com/overdrive-radio-dio, Overdrive Radio Dio sur Instagram, le www.radiodio.org, les podcasts hébergés sur Mixcloud également. On se dit à la même fréquence la semaine prochaine pour commencer les interviews du Motocultor 2024, réalisé en compagnie de la Ferrarock. On a eu du bon, on a eu de l'Exodus, du Sorcerer, Halo Effect et autres OPEF. Donc ce sera tout diffusé dans les prochaines émissions. Merci, ciao, bye bye. Sometimes I'm tempted to give in, and my life is like a flashing light beneath a lamp. Wanna get some peace of mind? Wanna get some peace of mind? Been dragged down in this quarter where the world just takes over. All made up of cliches, cosmetic pain. Been dragged down in the water. No one swims, they just bother. Shells of men, careful not to fill up, otherwise they'll drown.